je l'aime, alors ce qui m'aime, le premier, et a accueilli mon salut sur le bois et le calvaire. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier, et à qui mon salut sur le bois des calvaires. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, source de bonté et de salut, source de grâce et de bénédiction, que ton nom soit élevé et béni, le nom merveilleux de Jésus-Christ, que nous accorde cette journée, qui nous donne le souffle de vie, la volonté de venir dans ta maison, le zèle de la maison de Dieu, le zèle de l'évangile, tous les bienfaits que tu ne cesses de manifester, exprimons notre reconnaissance. La gratitude venant de cœur sincère, sachant que tu es Dieu et non pas un homme, tu es infaillible et non pas infaillible, tu es fidèle aux promesses de ta bouche, ta parole en est pleine, notre voix regarde à cela, pour que tu sois le guide et la bénédiction, conduise chacun au bon port, dans la bonne direction de ta volonté, depuis nous dit vieil homme, tous les péchés, tout mon mauvaise pratique, mauvaise attitude, suscite la foi, une assez grande foi dans nos cœurs, pour travailler pour toi, et être agréable à Dieu, obéir à ta volonté, envoie l'évangile maintenant, pour répondre aux prières de tes enfants, aux attentes de tous les cœurs, ceux qui croient en toi, envoie l'évangile, la lumière appropriée, éclairer notre chemin, apporter la guérison aux malades, de la force aux faibles. Tu es Dieu incomparable, ce n'est que sur toi que nous comptons. Béni ces moments de communion divine, car tu as dit, il est doux et agréable pour te faire de demeurer ensemble. C'est là que toi, Dieu, tu répands la vie et la bénédiction pour toujours. Qu'il en soit ici ce soir, que notre communion soit bénie, sans voix de Dieu soit béni. Que les esprits immondes soient condamnés. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu maintenant. Dans la Sainte Bible. Jérémie, chapitre 20. Le verset 7 à 11. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. accusez-les et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Najali ko tiolama mokolo na mokolo. Bato yonso bako seka ngayi. Zambi ezaraki ngayi koloba nanganga ki po na makasi mpe na kukunzama. Wete lilobana yawe ezali sami ngayi iloko na soni po na kutiolama mokolo na mokolo. Bongo na lobi yeti. Na koloba nkombo na yeti. Na koloba mpona nkombo na ye lisusu te. Kasi eloko ezali na motema na ngai lokola moto na kozikisa. Lobombami kati na mikuwa na ngai. Nalembaki mpona koboya. Nayebaki koyikela yango mpiko te. Nzambi nayoki kotiolama na bato mingi mpe somo epai na balobi ete. Yebisa mpe koyebisa yango. Baninga na ngai yonso bataleli kokwea na ngai ete. Solo akobendama mpe bongo tokoleka ye. Mpe okoyibungisa likolo na ye. Yawe azali na ngai elongo lokola elombe na somo. Bongo banyokoli na ngai bakota mabaku pe balongola te bakoyoka soni mingi po ete bakozwa malamu te bato bakobosa na kotungisama na bango na seko. Romains chapitre 14 Baloma mokaku ya zomi na mine le verset 4 olupa mine. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Si elle se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. En Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 18. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Ce qu'on a jadis consacré, sans le malam, et j'allais n'angaye le kambona, comme il koumi fati, n'a fait sa mi simbisiete, n'a sa la boy. Ma walangaye soko, n'a consacré, sans le malam, te, dandi soko n'a consacré, le kambo oyo na, mokano n'angaye penza, n'a posoa, libonda. Nde soko na mokano na ngai penza te na pesameli lotomo mpe bongo. Lifuti na ngai ekozala nini? Ezali ete awa ezali ngai kosakola na pesa sango malamu mpamba na lifuti te. Bongo nasala kilikili na bokonzi na ngai kati na sango malamu te. Kadio bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à la table du Seigneur. Et à nouveau, nos soeurs sont très éparpillées. Vous pouvez revenir ici. À moins d'avoir un bébé ou des enfants. Comme on a demandé, restez ensemble ici. Vous allez longoir. Les bébés d'ici, même les frères aussi. Il y a des sièges devant et tout. Vous vous asseyez à côté de celui qui vous a précédé. C'est l'ordre que nous avons rappelé ici. Quand vous venez, asseyez-vous de celui qui est venu avant vous. Comme ça, nous tenons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre la prédication de l'évangile. Sur comment éprouver un ministère de la parole. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de voir beaucoup de petites bonnes choses. Ce soir, nous avons pour pensée de méditation l'appel de William Branham. L'appel de William Branham. Nous ne parlons pas de son appel pour la vie éternelle, c'est son appel à croire l'évangile, mais son appel pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu voulant, après avoir exposé sur l'appel de William Branham, nous pourrons encore vous parler de commission de William Branham, les ordres de mission. Ce soir, c'est un peu d'abord l'appel de William Branham. Nous pouvons passer des heures et même des jours sur cette pensée, un appel. Oui, il a dit ça. C'est savoir un appel, pas juste l'appel pour pouvoir croire l'évangile, quitter la vie du péché et venir dans la foi. Ça, Dieu appelle les uns d'une manière et les autres d'une façon. Alors, mais ici, nous voulons parler de l'appel pour le service par. Ok. Dans le question-réponse du 12 janvier 1961, il a dit quelque chose ici. Au paragraphe 30, nous l'avons déjà lu ici il y a quelques semaines, mais je reviens dans le cadre de la nouvelle méditation. Et là, nous l'avons lu en passant. Et si nous essayons d'insister un peu, un appel de Dieu brûle dans votre cœur au point que vous ne savez pas vous reposer nuit et jour à cause de cela. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en débarrasser. Cela vous tourmente constamment. Un appel de Dieu brûle dans votre cœur au point que vous ne savez pas vous reposer nuit et jour à cause de cela. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en débarrasser. Et cela vous tourmente constamment. Cette vérité, elle est vérité. Mais il faut la comprendre sur fondement biblique. Ça, nous ne pouvons pas la comprendre sur base de la Bible. Alors que William Branham, qui a déclaré ces choses, était un prédicateur de la Bible. C'est qu'à ce moment-là, nous serons sûrs de l'avoir manqué. Il faut comprendre ces déclarations sur le fondement biblique. Lui n'a pas dit ce qu'il a dit là pour le plaisir de l'église, ni pour réjouir l'auditoire, parce qu'un prédicateur de l'évangile ne prêche pas pour trouver plaisir auprès des auditeurs. Dans Galates au chapitre 1, la parole dit ceci au verset 10: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, William Branham, en tant que prédicateur de l'évangile, ne pouvait pas dire ce que nous avons lu ici. Pour chercher à plaire aux auditeurs. À plaire aux gens, ni à se plaire à lui-même. Mais il devait le dire pour présenter la vérité biblique. Parce qu'il était un prédicateur de la Bible. Et il ne devait pas dire des choses par sa propre autorité. Ni de sa propre initiative. Dans Ephésiens au chapitre 4. Nous rappelons encore ce qui est écrit. Dieu a dit au verset 11 d'abord. Et il a les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, des ministres de l'évangile. Mais comment doivent-ils exercer leur ministère? Qu'ont-ils de commun? Dans leur manière de servir Dieu. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef Christ. Kasi awa ekolobaka biso na sembo kati na bolingo. Que ce soit l'apôtre, que ce soit le prophète, que ce soit le docteur de l'évangile, que ce soit l'évangéliste, que ce soit un pasteur, que Dieu a envoyé établi, ne prêche pas pour se faire plaisir à eux-mêmes, ni non plus pour faire plaisir aux auditeurs. Mais ils sont appelés à prophétiser. À proclamer la vérité dans l'amour. Que cela blesse ou que ça réjouisse. Leur problème n'est pas de créer du sensationnel. Ils sont satisfaits lorsqu'ils peuvent proclamer la vérité. Ne dire que la vérité c'est Dieu. Car c'est leur devoir. Que Dieu leur a donné comme tâche. Comme travail principal. Ils sont ministres de la parole. Et la parole est la vérité. Ce Seigneur a dit dans sa prière face de l'autre. Jean 17 verset 17. Jean ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole du Père. La parole de Dieu. Elle est la vérité. Et les ministres sont mentionnés à Ephésiens 4 verset 11. Quelle que soit la tâche particulière de chacun, quel que soit le nom distinct de sa fonction, de son ministère, tous sont censés proclamer la vérité. Prédicateur de la vérité. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voilà. Il dit que nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Ce que Dieu établit, ce que Dieu appelle à ce travail, ce que Dieu envoie à ce travail, voilà ce qu'ils ont. Ils ne sont pas des falsificateurs de la parole de Dieu. Mais ils ont pour tâche essentielle de prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Christ. Sachant que la foi, votre foi, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette prédication qui alimente la foi. Et qui suscite la foi. Qui entretient la foi. Qui édifie la foi. Il faut croître la foi. Il faut la prédication de la parole de Christ. Quel que soit le ministre et son ministère, il est censé proclamer la vérité dans l'amour. Et ici, il est ajouté avec sincérité. On ne doit pas trouver de l'hypocrisie, ni de la duplicité. Mais on doit trouver la sincérité d'un bout à l'autre, chaque jour. La sincérité dans l'homme de Dieu doit être sincère. Le prédicateur de l'évangile doit être sincère. Et cela vous aidera comme modèle, comme exemple à suivre. Sinon, vous allez obtenir un tas d'hypocrites. Parce que notre prédicateur lui-même est un grand hypocrite. Miséricorde. Nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme sont plusieurs. Je sais qu'à ce sujet-là, plusieurs sont tellement nombreux à faire ça, à falsifier la parole. Ils ne sont pas un petit groupe. Ce n'est pas un groupe minimisable. Mais ils sont très nombreux. Ceux qui falsifient la parole. Donc, Église de Dieu, soyez prudents. Ne prêtez pas foi à tout esprit. Quand vous savez aussi ça, tu ne peux pas aller donner ta confiance à n'importe qui pour qu'il commence à te parler de la parole de Dieu, pour qu'il te parle de la part de Dieu. Non. Tu dois éprouver tout esprit. Nous sommes en train de le dire et de le répéter. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Je pense que c'est le même frère Branham qui a dit, vous ne pouvez servir Dieu sur cette terre que lorsque des serviteurs de Dieu qui sont envoyés interprète pour vous la parole de Dieu par inspiration divine. N'est-ce pas une vérité révélée? Donc si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas servir Dieu. Si vous voulez rendre service à Dieu ici sur cette terre, il n'y a qu'une option, il n'y a qu'une possibilité pour que vous puissiez le faire vraiment bien. Sincèrement, et que Dieu approuvera cela, et que Dieu récompensera cela, vous ne pouvez servir Dieu sur cette terre dans la prédication, la parole parlée, prêcher les 18 mars 1962. Vous pouvez servir Dieu sur cette terre lorsque des serviteurs de Dieu qui sont envoyés interprètent pour vous la parole de Dieu. Il ne le faut pas d'après le sentiment, d'après la coutume traditionnelle, d'après la propre manière de voir, vous aurez une opinion un peu différente. Mais ils doivent interpréter la parole de Dieu par inspiration divine. Et l'inspiration qui opère chacun d'eux doit concorder avec l'inspiration objectif-là. Ça doit être parfaitement lié. Et de cette façon-là, vous servirez Dieu sur vous. Et Dieu reconnaîtra votre service. Ce n'est pas en allant écouter quiconque se fait prédicateur. C'est lui de qui on dit qu'il prêche bien. Il faut des serviteurs de Dieu qui sont envoyés. Quelqu'un a appelé. Amen. Nous disons amen. Nous croyons vraiment ça. Vous aimez cette vérité là? Il faut qu'elle pioche là, qu'elle reste là. Elle. Vous n'avez pas besoin de contours. Écoutez, Dieu a sa bannière de fer et il est fidèle à ça. Nous ne sommes juges de personne. Nous ne voulons ni se qualifier personne. Mais c'est la parole qui nous dit ce qu'il y a. Plusieurs parlent ici la parole. La parole dit qu'il a été ici. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne dis pas, mais Bango a été très compliqué, non, rien du tout. Nous devons suivre simplement l'enseignement de Dieu. La Bible de Dieu. Suivons simplement ça. Elle nous dit ce qu'il y a. Elle nous dit ce qu'il faut. Ce qu'il y a, ce que plusieurs falsifient la parole. Ce qu'il y a, ce que plusieurs faux prophètes sont venus à l'évangile. Plusieurs faux prophètes sont venus à l'évangile. C'est vrai. Et dans 1 Pierre chapitre 2, non, 2 Pierre chapitre 2, verset 1, il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura des mêmes parmi vous, de faux docteurs. La parole dit ce qu'il y a, et ce qu'il y aura. Elle nous dit ce qu'il faut faire pour perdre ces situations-là, pour perdre ces batailles. Pour triompher. Et faites-le et vous serez bien. Amen. Amen. Alors, le prédicateur de l'évangile, le prédicateur de la parole, ne peut pas dire des choses pour se plaire à lui-même. Loin de là. Nous cherchons la volonté de Dieu. Nous cherchons à plaire à celui qui nous a envoyé. Et cette parole ne faillira pas. Oh, il est dit dans Jean chapitre 7, verset 18, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point de justice en lui. Quelle est l'église qui dit amen? Quelqu'un peut venir et il parle pour se plaire à lui-même. Il parle pour sa propre gloire. Il parle pour sa propre publicité. Il parle pour se faire connaître. Il parle pour devenir populaire. Il fait des choses pour qu'on parle de lui. Et là, c'est un faux. C'est un faussaire. Et celui-là est faux. Ne perdez pas votre temps avec. Mais c'est lui qui cherche la gloire de Dieu. Et là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Votre devoir, c'est de proclamer la vérité dans l'amour. Notre devoir évangélique, c'est de proclamer la vérité dans l'amour. non pas avec haine, méchanceté, avec violence, nous sentiment de vengeance, mais c'est animé de l'amour divin. Nous aimons Dieu qui nous ordonne à l'éternité. Nous aimons son peuple pour lequel il a fait le sang. Nous devons leur dire la vérité. Rien que la vérité de Dieu. Hein, c'est la parole de Dieu qui est la vie. Vous aimez ça? Aimez cette vérité. Et ne faites pas du prédicateur votre ennemi à cause du fait qu'il vous dit la vérité. Mais comprenez plutôt que il est fait prédicateur, mais c'est pour dire la vérité auprès de Dieu. Vous croyez ça? Moi, j'aimerais que vous croyez ça exactement. Exactement. Oh, mon Dieu. Regardez ce que Paul essaye de dire. Croyant de Galates. Encore une fois ici dans Galates au chapitre 5. Il essaye de les interpeller. Mais le problème est pas trop pour sa personne qui se bat. Pour sa gloire, mais il veut que la vérité soit exhibée. Il a dit ceci. Ici dans Galates chapitre 5. Il dit au verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous allez qui cotambo la malamu, nani apetiti binoete, botosa matambona solote. Paul voulait que l'ensemble s'en tienne à la vérité. Obéissent à la vérité. Mais si ne leur avait pas prêché la vérité, comment pouvait-il exiger d'eux l'obéissance à la vérité? Et s'il avait falsifié la vérité, comment pouvait-il les inciter encore à obéir à la vérité? C'est contradictoire. C'est impossible. Alors, un prédicateur établi par Dieu, il a pour devoir être de proclamer la vérité. Et cela avec amour et sincérité. Beaucoup de gens ont dit votre pierre d'achoppement. Ici dans Galates chapitre 4. Il dit au verset 16. Oui, j'étais venu votre ennemi en vous disant la vérité. Question. Question. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité, en faisant le travail que Dieu m'oblige de faire? Allez-vous faire de moi votre ennemi? Allez-vous me haïr pour ça, alors que je ne dis pas la vérité pour chercher ma gloire? Je proclame la vérité, c'est que je cherche la gloire de celui qui est la vérité. C'est celui qui dit la vérité. Celui dont la parole est la vérité. C'est pour sa gloire que nous sommes. C'est pour cela qu'on nous raille. Nous sommes fichés d'opprobre. Nous nous humilie. Mais la vérité de Dieu est vantée par nous. Et le glorifié, nous voulons que là il y en a pas. Béni soit le Seigneur. Et l'apôtre Jean aussi, animé du même Saint-Esprit de vérité, il a pu dire ça. Et c'est très important. Dans la troisième épître de Jean. Trois Jean. Verset 3 et 4. Il y a un chapitre là-bas. Le verset 3 et 4. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Zambi, na sepela ki mingi wana yaki bandeko, kotato la kona solo na yoete, ojali kotambola kati na makambo na solo. Na jali na esengo eleki oyo teete, Ça s'est adressé à un bien-aimé, frère Gaius. Il a fait son temps, il a combattu le combat, il a achevé la course. Aujourd'hui, Gaius se repose. Et la parole écrite n'est plus pour Gaius. Et la parole de vérité qui demeure éternellement. Et elle est valable pour l'église qui a la foi. L'église du Dieu vivant, dans laquelle Jésus a dit que les portes de Jésus sont morts. C'est comme la prophétie qui était sortie au Branham Tabernacle. Quand je vous ai lu dimanche, dans la prédication de dimanche dernier, de la prédication là, je prédicte sur la prédication. Pendant que c'était en train de se prêcher, vous avez entendu un extrait qui parlait de la vérité présente. Prêtez oreille, écoutez mon prophète que je vous ai envoyé pour vous établir, vous affermir dans la vérité présente, la vérité de Dieu pour le temps présent. C'est celle qu'a proclamé ce prophète, c'est celle que son messager a proclamé. Nous n'avons pas honte de cette vérité. Pierre, en son temps, il exhortait les gens, l'église, à s'affermir dans la vérité de Dieu pour le temps dans lequel il vivait. Dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Mais l'expression vérité présente n'est pas une invention de celui qui a donné la prophétie au Branham Tabernacle, mais c'est une vérité fondamentale dans la vie. Dans chaque âge, dans chaque époque, il y a une vérité de Dieu pour l'époque, pour l'âge. Et pour notre temps, il y a une vérité de Dieu que nous devons entendre, croire et obéir. Et la vérité présente, le Saint-Esprit a dit, c'est celle que le prophète, son prophète, et lui nous a envoyé, proclame. Qui est celui qui dit amen? Amen. Ne me regardez pas drôlement. La vérité présente. Solo, il n'y en a pas cinq. Il y en a une. Amen. Vérité présente. Solo, le Saint-Esprit a dit. C'est tout à fait normal que quelques-uns refusent. Ils sont libres. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire. Quand lui veut aller en enfer, chacun choisit. Le bonheur et le malheur procèdent d'un jour. L'enfer et le ciel relèvent aussi d'un jour. Le bien et le mal proviennent d'un jour. Nous sommes créés libres. C'est ce qui s'appelle libre à vivre. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un d'entrer au ciel quand lui, dans son cœur, veut aller en enfer. Il tient à finir en enfer. Azali Penza, Frère Branham dit que les mots Pécheur veut dire incroyant. Le mot pécheur veut dire incroyant. Le mot pécheur signifie incroyant. Quand on te présente la vérité de Dieu, que tu refuses délibérément de la croire, tu es un incroyant. Et par ça, tu es un pécheur. Et les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, la Bible le dit. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Les pécheurs, les incroyants, les infidèles, ils sont infidèles à la vérité de Dieu. Ils ne veulent pas croire la vérité de Dieu. Ils ne veulent pas obéir à la vérité de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à la vérité de Dieu. Ils sont des incroyants, les infidèles. Dieu a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous ces sous chrétiens. Mais si on des milliers d'eux, séparez-vous avec les chrétiens. Vous voulez le ciel? Développez la foi à ceux qui aiment croire. Avancez avec ceux qui croient Dieu. C'est vrai? Donc nous ne devons pas perdre notre temps dans les futilités. Nous n'avons pas du temps à perdre. Mais nous n'avons que du temps à racheter. C'est vrai. Vous voyez là? Il est dit dans 2 Timothée chapitre 2. Verset 22. Oui, les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. Suivez bien. La foi. Pas l'infidélité, l'incrédulité, les discussions stériles, les gens qui s'opposent à la vérité, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Dieu, ils ne sont pas d'accord avec la vérité. Hein? Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi. Faut vraiment la vraie foi biblique. Authentique. Cherchez. Humble. Soumise à Dieu. La foi. L'amour. La paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Le Timo posa na posa yonso na bolenge. Pe openga na bolenge benefe kondima pe bolingo pe kimia. Et si kama ko na bango Bako bianga kongo na kolo na mitema peto. Êtes-vous là? Vous allez voir, mais ce n'est pas ensemble avec les infidèles. Vous avec cette bande d'incroyants. Qui perdent leur temps à discuter de tout ce que Dieu dit. Ça ne nous sert absolument à rien. Nous avons besoin de la grâce du Dieu vivant. Pour marcher dans sa lumière. Vous aimez cette vérité? Ok. J'aimerais lire encore quelque chose ici. Dieu voulant. Ok. J'aimerais lire quelque chose dans ce que dit Frère Branham. Comme c'est si merveilleux. Oh, il faut croire ces choses ici. Les aimer et les garder. Oh oui. Dieu est bon. Laissez-moi chercher un moment ici. C'est bon. Qu'est-ce que je... Attendez un moment. Les sept âges de l'Église. Là que je vais chercher ici. Là où Frère Branham parle de cette pensée. J'aimerais que nous puissions partager un moment. Ok. Exposer les sept âges de l'Église. À la page 143. Deuxième alinéa. Donc c'est la partie de l'âge de l'Église de Smyrne. Dans chaque âge, Et chaque âge est l'âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant. Dans chaque âge. Et chaque âge est l'âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant. Dans chaque âge. Dis-je. Le signe a été le même. Ceux qui avaient l'esprit. Ceux qui avaient l'esprit. Oh, miséricorde. L'enseignant. Entendait la parole. Et cet esprit en eux prenait la parole. Et l'aller enseigner. L'aller révéler. Écoutez. Et ils étaient du groupe. De ceux qui entendaient le messager. Et son message. Qui le prenait. Et qui le vivait. Amen. C'est clair? Ceux qui avaient l'enseignant en eux. Le Saint-Esprit. L'enseignant. Il s'entendait la parole. On vous a dit, écoutez. Le mon prophète. Que je vous ai envoyé. Pour vous établir dans la vérité présente. Cette parole prophétique. Qui est venue de moi à partir de ma parole. Cette parole prophétique. Qui est d'autant plus certaine. Et qui est venue de moi. Et qui est venu à toi à partir de ma parole. Écoutez ça. Alors dans chaque âge, ceux qui avaient l'enseignant, l'esprit en eux, ils entendaient la parole. Et cet esprit en eux prenait la parole et la leur enseignait. La leur révélait. Et ils étaient des groupes de ceux qui entendaient le messager et son message. Et qui les prenaient et qui les vivaient. Je ne sais pas ce que vous deviendrez. Alors, la vérité présente là. Et le prédicateur qui la prêche, William Branham qui a été appelé, il n'utilisait pas des choses pour se complaire en lui-même. Pour trouver du plaisir à lui-même. Et pour faire plaisir aux auditeurs. Loin de là. Loin de là. Oh. Mais il cherchait la gloire de celui qui l'envoyait. Maintenant, nous avons dit, nous voulons méditer sur l'appel de William Branham. Et nous avons lu le paragraphe 30 de la prédication, question-réponse du 12 janvier 1960. Il est écrit que c'est un appel. Alors, si nous devons comprendre ça sur le fondement biblique, à la manière de la Bible, est-ce que ça veut dire juste que quand quelqu'un commence à sentir des envies de prêcher, il faut que ça frère réponse N-O-N. On ne parle pas des envies de prêcher. Des désirs de prêcher. Mais on parle d'un appel de Dieu. Et dans la Bible, nous avons lu deux angoisses que vous pouvez voir. Premièrement, dans Jérémie au chapitre 20. Et Jérémie au chapitre 20, il vient loin après Jérémie chapitre 1. Dans Jérémie au chapitre 20, nous avons lu ceci. Écoutez, comme c'est vraiment vrai. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Verset 7, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Ça y est au tableau là, je crois. Donc, le verset 7 à 11. Alors, je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Najali kotolama mokolo na mokolo batoyonso bakoseka kangaya. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Zambi ezalaki ngai koloba nangangaki nangangaki. Est-ce que c'est volontaire ça? Wana ezalaki na mokano na ye penza. La volonté de l'homme de se mettre à crier? Mokano na moto vele kongangaka kongangaka kongo. Dieu sa voix ka dessiner sa voix. Obedi sakate ko kauki sa mongongo na ye. Loin de là. Bongote. Mais vous parlez avec ces hommes-là, non? Est-ce qu'ils crient? Ou vous pouvez tenir des heures de conversation? Est-ce qu'ils crient? Mais maintenant, il se fait que quand c'est l'appel de Dieu, il y a des choses qui se passent, qui ne dépendent pas de toi. Toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risque chaque jour. Ici, quand il dit, il parlait, il ne s'agit pas de sa parole à lui. Ou de ses conversations personnelles. C'est la parole de l'Éternel. Qui est pour lui l'objet de l'opprobre. Et de risque. Et, il crie, mais les auditeurs, dans l'auditoire, il y a des gens qui s'en moquent. Ils ne veulent même pas changer du tout. Mais l'homme de Dieu ne fait que crier. Et il est couvert de honte de temps en temps. Mais la même chose contre laquelle il crie, ce sont les mêmes choses. Il va prendre le terrain après. Quoi faire encore après? Quelle honte! Voilà, Sony Nini. Et vous devez continuer à prêcher. Dieu ne vous permet pas de démissionner. Imaginez ça. Plus vous criez contre ceci et cela, vous apprenez encore que tel frère a fait ça. Et après, tu dois encore revenir crier encore. Et ils sont là. D'autres pour se moquer. D'autres pour vous casser la tête. D'autres pour vous donner des fils à retordre. Vous devez les supporter, vous devez les faire. Vous devez encore parler. Quand vous voulez parler de la part de Dieu, criez. Dénoncez la violence, l'oppression, le mal qu'il y a dans le peuple. Il y a dans les hommes. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risque chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. C'est opprobre, c'est raillerie, c'est moquerie, c'est risque et tout. Autant m'y arrêter. Je pense que c'est en train de le dire. Mais si je le dis, écoutez alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux aussi décider d'arrêter. Bon, je ne veux pas le faire. Ouh. Il y a comme un Parce que ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de celui qui le fait au travail. Et cela, c'est le Dieu de vérité. Et c'est pour là. Et pour là, on me dit qu'un appel de Dieu brûle tellement dans votre cœur que vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Mais pourquoi nous disons que ce qui est arrivé à Jérémie était le fait de l'appel de Dieu? Parce qu'il avait déjà été appelé. Quand il relate cette expérience du chapitre 20, le chapitre 20 vient longtemps après le chapitre 1er de Jérémie. Et dans Jérémie 1er, vous vous souvenez? Il avait vécu l'expérience primordiale qui lui a indiqué la fonction à laquelle Dieu l'a appris. Jérémie chapitre 1er, verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la troisième année de son règne. Verset 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'aille formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 5. Je répondis: ah Seigneur Éternel. Verset 6 et 7. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Une excuse, un refus. Dieu appelle, mais l'homme. Ok. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, Dieu lui impose sa volonté. Nalobaki ete, ah, nkolo yawe, tala, na ebi kolobake nzambi, ngai, na jali, bobole elenge. Meyawe alobaki na ngai ete. Lobake ete, ngai, na jali, bobole elenge. Nzambi yoko kenda, epai na bango, yonso, ekotinda ngai yo. Epai na bango. Okoloba yonso, ekolakisa ngai yo. Donc, ce n'était pas les choix volontaires l'ambition de son cœur. Il n'a pas dit qu'il sentait des choses et tout. Il vivait sa vie normale, mais Dieu vient lui adresser sa parole. Et dans ce que Dieu lui dit, nous voyons son appel au ministère, l'appel de Jérémie à être prophète. Et vous là, et au chapitre 15, Dieu lui dit ceci au verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Maintenant, cet homme qui était appelé, Moto ya biangamaki, Dieu lui avait d'abord parlé. Zambe alobela ki eliboso. En des termes précis et clairs. Na maloba ya polele pe asiki. Il est écrit que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Mwa meti liba na Zambe, yaki pa inaye. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Jezongela ki eti liba na Zambe, yaki pa inaye. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Zongo loba mi yawu ikolo. Ce n'était pas la parole de Jérémie. Zaki loba ya yilimi ake. Mais c'était la parole du Seigneur adressée à Jérémie. Et Dieu lui a parlé directement. Sans embâche, sans détour. Dans là, il était un homme appelé de Dieu. Il était un homme appelé de Dieu. Et la manière dont il a été appelé, et l'expérience que Dieu lui a donnée, l'a amené à dire ce que nous avons lu au verset 20. Au chapitre 20, verset 7. Tu m'as persuadé éternel et je me suis laissé persuader. Quand est-ce que l'Éternel l'a persuadé? C'était au moment où Dieu l'appelait. Là, vous l'avez vu là, il a dit qu'il est un enfant, il était. Dieu lui contredit. Ne dis pas ça. Tu iras là où je vais t'apporter. Et tu diras tout ce que j'ai te ordonné. Jérémie s'est exprimé. Dieu l'a persuadé. Lui-même s'est laissé persuader pour obéir au Seigneur. Êtes-vous là? Ça, c'est la pression d'un appel divin. Ce n'était pas un appel anonyme. Ce n'était pas un appel diversifié. C'était un appel précis. Adressé à l'homme dont le nom était Jérémie. Dieu l'a persuadé. Persuadé. Vous entendez à l'ingala? Persuadé. C'est-à-dire que si ça ne devait dépendre que de lui-même, c'est Dieu qui l'a forcé la main. Il a contraint en quelque sorte de le faire. Et pour ne pas dire qu'il le fait de force, il dit, tu m'as persuadé. Tu m'as donné les éléments, des arguments auxquels je n'ai pas pu résister. Je ne pouvais plus qu'obéir. Je ne devais que me soumettre. C'est l'appel de Jérémie. Tu m'as persuadé éternel. Et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Tu as vaincu moi. J'avais mes raisons, mes arguments. Tu m'as persuadé. Et tu m'as vaincu. Et tu m'as saisi pour m'utiliser. Voyez ça? Alors je suis chaque jour un objet de raillerie. Et tout le monde se moque de moi. Quels sont les effets d'un appel? Jean-Fabrenam dit qu'un appel de Dieu brille tellement. Comme un feu. Voyez, l'exemple est ici dans Jérémie 20. Quand au verset 9, il a dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Parce que l'homme ne doit pas s'appeler lui-même. S'il s'est appelé lui-même, c'est qu'il aura toute la volonté de le faire. Et même l'envie pour le faire. Mais quand c'est Dieu qui appelle, ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça dépend de Dieu qui dans son plan a prévu. Êtes-vous là? Alors si maintenant cet homme qui a été persuadé, qui a été vaincu par lui, qui a été saisi par lui, indépendamment de sa volonté, mais qui est connu dans une voie où c'est la volonté de Dieu qui s'impose, il peut se dire, je ne le ferai plus. Je ne parlerai plus en son nom. Écoutez ce qui va se dégager. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Qui est renfermé dans mes os. Kasi eloko ezali na motema na ngai lokola moto na kozikisa. Je me force de le contenir et je ne le puis. Malembaki pona koboya C'est là que Frère Brenham dit d'abril constamment là au-dedans de vous. Vous ne pouvez simplement pas vous en débarrasser. Tu ne peux pas contenir ça.